بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 76 76 حديث توجد باب الإمامة. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم بذنبه. Donc, أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم a dit que si jamais l'imam dit amin, alors dites amin. Car celui dont ce qu'on appelle le ta'min, c'est le fait de dire amin. Le ta'min, c'est le fait de dire amin. Celui dont le ta'min coïncide avec celui, avec le ta'min des anges, il sera pardonné ses péchés antérieurs. Il sera pardonné ses péchés antérieurs. Yaqul fadilat al-shaykh ibn Uthaymin. Araoui, le rapporteur, c'est Abu Huraira, radiallahu anhu, dont la tarjama a été citée dans le deuxième hadith. Yaqul, moudou al-hadith, sujet du hadith, bayen hukm ta'min wa mata yu'ammin al-ma'moumoun. Donc maintenant, ce hadith vient montrer le jugement du fait de dire amin et à quel moment est-ce que le président doit le faire. Yaqul fil sharh al-ijmali, le sens global du hadith. Yurbiru Abu Huraira رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبادر المأمون بقول آمين إذا أمن الإمام ولا يتقدموا عليه ليوافق تأمينهم تأمين الملائكة فيحصل لهم مغفرة ما سبق من ذنوبهم. Donc Abu Huraira رضي الله عنه informe que le prophète صلى الله عليه وسلم a ordonné au présidé dans la salat de se hâter à dire amin juste après que l'imam ait dit amin et de ne pas le devancer. Et ni de le faire en même temps que lui. Car celui dont le ta'min, le fait de dire amin, coïncide, se synchronise avec celui des malaïka, parce qu'eux-mêmes disent amin, alors ils en obtiendront un pardon des péchés antérieurs. Donc dans les fawa'id du hadith, l'enseignement du hadith, « Mashru'iyati qawl amin inda intaha qirat al-fatiha, lianna akhiraha, du'a fayu'ammin alayhi » Donc il est légiféré de dire Amin une fois qu'on a dit Al-Fatiha, quand on a fini. Car la Fatiha, c'est une invocation. Et la vocation, on dit Amin pour pouvoir demander qu'elle soit exaucée. Car Amin, ça veut dire Istajib. Ça veut dire Istajib, c'est-à-dire répond. Ça demande, on demande à Allah de répondre à notre invocation. C'est le sens de Amin. Yaqul Al-Hath à la muwafaqa ta'min al-ma'mun li ta'min imamih. Cela montre qu'il faut que le ta'min des présidés coïncide, d'accord, soit conforme à celui de l'imam. Thalithan, an al-mala'ika tu'amminu ma'a musallin, que les anges font le ta'min, disent amin avec ceux qui font la salat également. Rabian anaman muwafaqa ta'minu wa ta'min al-mala'ika ghufira lahum ma taqaddama min dhanbihi. Et celui donc qui dit amin et que cela coïncide avec en même temps avec le ta'min des anges, que ses péchés antérieurs seront pardonnés. Et il s'agit là de quels péchés? Les petits péchés, bien évidemment. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma hasadatkum al-yahud ala shay kama hasadatkum ala at-ta'min was-salam, que les juifs ne vous ont pas jalousé pour une chose comme ils l'ont fait pour le fait de dire Amin et le fait de se passer le salam. Ils sont jaloux de cela, à notre rencontre. Naam. Ce qui prouve le fait de dire Amin, cela, hein, les irrite. Cela les irrite. Hakadha. Hadha allazi akhadhna al-yawm. Donc ça s'arrête là. Walhamdulillahi rabbil alamin.